الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. On est arrivé au point, moi j'ai 124, donc sur Salawat al-Khams, les 5 prières. D'accord. Sur Dana'a. Dana'a. شو اسمه الأخ هذاك عبد الملك الفرنسي وفقه الله سددا يترجم الدناء par تقريبا متيه فابل وقبلك les dernières phrases qu'on a lu قال عمر بن الخطاب كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس كونك تحترف حرفة فيها دناء كالحجامة دناء دي متيه فابل je pense c'est un mot meilleur mais à la حال à peu près son métier non son métier. Il y a un métier qui a une valeur. Là, voilà. Son métier, ben, non, après, ils disent, il y a des gens qui disent il n'y a pas de son métier. Il y en a, ils disent, il n'y a pas de son métier. C'est-à-dire, il n'y a pas de métier qui ont rabaissant. Le sens, il est clair, mais le mot exact en français, mais je ne l'ai pas. C'est tout ce que j'ai trouvé. قال المؤلف رحمه الله تعالى والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. Et les cinq prières sont permises derrière tout imam, sauf s'il est un jahmite, un négateur des attributs d'Allah. Alors si tu as prié derrière lui, refais ta prière. Si ton imam est le gouverneur ou n'importe quel partisan de la sunna, alors prie derrière lui et ne refais pas ta prière. Charh explication. Qawluhu wa salawatu al-khams ja'izatun khalfa man sallayta khalfahu. Et les cinq prières sont permises derrière tout imam. Hadhihi mas'alatu al-imam fi salat. Ce sujet-là, donc, le fait de prier derrière quelqu'un qui dirige la prière dans la prière commune. Man alladhi yasihhu an yakuna imama walladhi la tasihhu imamatuhu. Derrière qui on peut prier, derrière qui on ne peut pas prier. Awwalan, premièrement, idha kana al-imam huwa as-sultan. Si l'imam qui dirige la prière, c'est le gouvernant. Fa hadha yusalla khalfahu. Dans ce cas-là, on prie derrière lui. Kama ya'ti duna nadarin ila ba'd mumarasatihi allati yakunu fiha ma'siyatan aw mukhalafatan. Donc si jamais c'est le gouvernant, on prie derrière lui malgré yani sans regarder certaines pratiques qu'il a qui sont des péchés ou des débauches, tant que bien sûr il n'atteint pas le degré de mécréance, car on prie pas derrière un kafir tant qu'il n'atteint pas le degré de mécréance, on prie derrière lui. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلفهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de prier derrière eux, yani derrière le hakim, derrière le gouvernant, c'est lui qui dirige la prière. Li ajli jam'il kalima, pour réunir la parole, pour pas qu'il y ait de division. Wa adam at-tafarruq, fa mahma kana 'indahu min adh-dhunubi wal ma'asi ma lam yasil ila hadd al-kufr fa innahu yusalla khalfahu. Donc, quel que soit ce qu'il a comme péché, tant qu'il n'atteint pas le degré de mécréance, je répète encore, on priera derrière lui. من أجل جمع الكلمة خصوصا في الجمعة والأعياد. Je crois qu'il y a une erreur de frappe chez vous aussi. C'est الجمعة. الجمعة, c'est pluriel de جمعة. جمعة. الجمعة والأعياد. C'est-à-dire que on priera derrière lui, surtout les prières du vendredi et les prières des deux عيد. Les prières des deux عيد. Le عيد après Ramadan et le عيد pendant موسم الحج. وكذلك في الفرائض. C'est quoi le faraïd? Les prières obligatoires quotidiennes. Wa in kana wali al-amr jahmiyan fa innaka tusalli khalfahu wa tu'id salatak. Si le gouvernant c'est un jahmi, al-jahmiya kuffar, comme قال العلماء, tusalli khalfahu, tu pries derrière lui mais tu referas ta prière. Thaniyan, idha kana al-imam al-fasiq ghayra sultan fa hadha mahallu khilaf bayna al-ulama 'ala qawlayn. Deuxième cas, c'est que l'imam qui dirige la prière n'est pas le gouvernant. Dans ce cas-là, il y a divergence entre les ulama. Al-qawlu al-awwal, la première parole, ba'd al-ulama yashtaritu fihi al-'adala. Certains savants disent qu'il faut impérativement que ce soit quelqu'un de juste. Fala tasihhu khalf al-fasiq alladhi ya'ti kabiratan min kaba'ir adh-dhunub dun ash-shirk. Tu ne peux pas prier derrière un débauché, quelqu'un qui ne fait ne serait-ce qu'un grand parmi les grands péchés autre que le shirk, car s'il fait du shirk, il sort de l'islam. قالوا لا يصلى خلفه لأنه ليس بعدل ولا يتخذ إماما. Donc ils ont dit, on ne prie pas derrière lui car ce n'est pas quelqu'un de juste ou d'équitable et on ne le prend pas comme comme guide dans la prière. هذا القول الأول, la première parole. القول الثاني ما دام أنه مسلم تصح صلاته في نفسه فإنها تصح الصلاة خلفه. Donc il dit, la deuxième parole, puisque c'est un musulman, et que sa prière à lui quand il prie seul, elle est valide, donc on peut prier, et la prière sera valide derrière lui, pour quelqu'un qui prie derrière lui. Car on prie derrière tout musulman. Même si c'est un pécheur, même s'il a des débauches, etc. C'est-à-dire, s'il n'a pas atteint le degré de polythéisme, de mécréance, il n'est pas sorti de l'islam, il reste dans la sphère de l'islam, on priera derrière lui. وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ. Et en apparence, c'est ce que soutient l'auteur, l'imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala. C'est ce que cite beaucoup de ulama en citant la règle مَنْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ صَحَّتْ إِمَامَتُهُ. Celui dont sa prière elle est valide quand il prie seul, sa prière sera valide quand il sera... quand il dirigera la prière, quand il dirigera la prière en tant que imam. Naam. Le passage suivant, قال المؤلف رحمة الله عليه والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دفنا هنالك معه فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. Il a foi au fait que Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma sont dans la chambre de Aisha radiallahu anha avec le messager sallallahu alayhi wa sallam et ils sont certes enterrés là-bas avec lui. Donc lorsque tu viens visiter sa tombe, salue-les après avoir salué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ceci est obligatoire. Explication شرح قوله والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Et la foi au fait que Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma sont dans la chambre de Aisha radiallahu anha avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس اين يدفنونه. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, ils ont divergé. Les gens, les compagnons ont divergé où c'est qu'ils allaient l'enterrer. هل يدفنونه مع أصحابه في البقيع. Est-ce qu'ils vont prendre son corps et l'enterrer avec As-Sahaba qui était enterré dans Baqi' al-Gharqad qui est à côté de la mosquée. أم أو ماذا يعملون. Ou bien qu'est-ce qu'ils devaient faire. فذكر لهم حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدفن حيث يموت. Il leur a été évoqué à ce sujet-là, un sahabi, il leur a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que les prophètes sont enterrés là où ils sont décédés. Puis le hadith, en bas vous avez An Abi Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, c'est parmi les rares hadiths qui sont rapportés par Abu Bakr. قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال. Il dit Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, j'ai entendu du messager sallallahu alayhi wa sallam quelque chose que je n'ai pas oublié. Il a dit ma qabad Allahu nabiyan illa fil mawdi' alladhi yuhibbu an yudfana fi. Allah n'a pas enlevé l'âme d'un prophète si ce n'est à l'endroit où il voulait qu'il soit enterré. Allah n'a pas enlevé l'âme à un prophète si ce n'est à l'endroit où il voulait qu'il soit enterré. Qui c'est selon la volonté de qui là? La volonté du prophète ou d'Allah? ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. الله مشتبه. قد يكون الرسول يعني النبي قد يكون الله. C'est pas yani la phrase, on peut la comprendre sur les deux sens. C'est tous les prophètes. Tous les prophètes, non. Salah al-Sheikh dans Kitab al-Tawhid, il ramène riwayat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال أن الأنبياء يقبرون حيث يقبضون. Yani c'est facile à retenir. يقبرون, on les enterre, حيث يقبضون, là où leur âme elle est retirée. يقبرون, non. يقبرون حيث يقبضون. عند ذلك انحلت المشكلة. À ce moment-là, le problème a pris fin. فدفنوه تحت الفراش الذي مات عليه عليه الصلاة والسلام. Donc quand on leur a cité ce hadith-là, la chose s'est clarifiée, qu'il doit être enterré là où il est décédé sallallahu alayhi wa sallam. Il est enterré à l'endroit où il est mort. في حجرة عائشة أم المؤمنين. Dans l'appartement ou la chambre de Aïcha radiyallahu anha, Umm al-Mu'minin, la mère des croyants, liannahu murrida fi bayt Aïcha, car il était yani soigné dans la demeure de Aïcha pendant qu'il était, il a passé yani sa maladie qui a été succédée par sa mort dans la demeure de Aïcha, comme ça c'est connu dans Kutub al-Sir, dans les livres qui traitent la biographie. Murrida, là où il a passé yani sa maladie. الناحية الثانية, deuxième point, أنه لو أبرز قبره ودفن في البقيع لحصل بذلك الغلو وتزاحم الناس على قبره, فلأجل صيانته وحمايته دفن في بيته. Donc il dit, si jamais il avait été enterré dans le baqi, et donc sa tombe sera accessible à tout le monde. Ubriza, le bourouz, c'est le fait de faire apparaître quelque chose. Hein? La hasala bidalik el ghulou. Les gens, ils se seraient empressés, ils auraient exagéré à son sujet. Et il y aurait énormément de monde devant sa tombe à chaque instant. Mais pour le protéger, il a été enterré dans sa demeure, dans la demeure de Aïcha radiallahu anha. Wa lihada qalat Aïcha radiallahu anha. لما ذكرت حديث النهي عن الغلو في القبور عائشة رضي الله عنها سيتي lorsqu'elle a cité le hadith qui interdit d'exagérer à propos des tombes. Hadith, il est dans Kitab al-Tawhid. وأن اليهود والنصارى غلوا في قبور أنبيائهم, et que les juifs et les chrétiens ont exagéré à propos des tombes de leurs prophètes. اتخذوها أوثانا, en les prenant comme des idoles. قالت, elle a dit, ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. C'est-à-dire que, elle a dit, Aïcha radiallahu anha, si ce n'était cela, si ce n'était la crainte, yani que les gens ils exagèrent à propos de lui, de sa tombe, etc., sa tombe aurait été mise comme avec les autres sahaba, yani au milieu du cimetière, dans le cimetière avec les autres personnes. Mais ولكن خشية, أيضا الشيخ صالح الشيخ في كتاب التوحيد دي في روايتين, خشية أن يتخذ مسجدا وخشية, يعني خشية الصحابة أن يتخذ مسجدا, c'est-à-dire que, mais il a été craint. Ou alors on dit, ils ont craint, c'est-à-dire les compagnons ont craint que sa tombe soit prise comme masjid, c'est-à-dire lieu d'adoration, lieu de culte, là où les gens viennent se recueillir, etc. Hadith في الصحيحين, hadith في البخاري ومسلم. Donc il dit Cheikh Salah Al-Fawzan faqahu Allah, فبينت الحكمة من دفنه في بيته عليه الصلاة والسلام. Donc Aïcha radiallahu anha, elle a clarifié pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été enterré dans sa demeure. وكان بيته خارج المسجد. Sa demeure, elle était en dehors de la mosquée Masjid Nabawi, لأن حجر النبي صلى الله عليه وسلم تكتنف المسجد من جهة الشرق ومن جهة الجنوب. Car les demeures, ou les appartements, ou les chambres du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses différentes femmes, Aïcha et d'autres, elles étaient collées à la mosquée. Aussi bien du côté Sharq, donc c'est du côté, côté Est, que du côté Sud. Tektanif ou collé. Hujar, elle était collée à proximité d'eux. فبقي صلى الله عليه وسلم في بيته مقبورا خارج المسجد. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans sa demeure, dans la demeure de Aïcha radiallahu anha, en dehors de la mosquée. Il a un arad al-walid. D'où il y a une fatha, alors que c'est un dhamma normalement. Il a un arad al-walid ibn Abdel Malik, rahimahullah, tawsi'at al-masjid. Jusqu'à ce que cette personne-là qui avait l'autorité à Médine a voulu élargir la mosquée. Tawsi'at al-masjid fa adkhala al-hujrata fih ala ma hiya alayh. Il a fait rentrer donc toute la demeure dans la mosquée. Lam yughayyir fiha shay'an. Il n'a rien rajouté, juste quand il a élargi, il a fait rentrer la demeure dans la mosquée. Wa innama udkhilat bi hujjati at-tawsi'a lil-masjid an-nabawi. Il l'a fait rentrer car il voulait élargir la mosquée. Wa illa fa huwa fi baytihi alayhi as-salatu was-salam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas changé de place. Il est toujours dans la demeure de Aïcha. La yazalu fi baytihi wa laysa fi al-masjid. Il n'est pas dans la mosquée. Thumma lamma tuwfi Abu Bakr radiyallahu anhu dufina ma'a ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam khalfa dhahrihi ikraman lahu wa mizatan lahu radiyallahu anhu. Quand Abu Bakr radiyallahu anhu il est mort, donc 2 ans et 3 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été enterré à côté de lui et derrière son dos à sa gauche, à la jihad al-qibla, donc à la gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une noblesse pour lui et une distinction en sa faveur. ولأنه كان صاحبه الملازم له في حياته فدفن معه رضي الله عنه. Donc, car c'était son compagnon qui était en permanence en sa compagnie lors de sa vie, donc il a été enterré à côté de lui après sa mort. ثم لما توفي عمر رضي الله عنه كانت عائشة تريد أن تدفن في حجرتها مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lorsque Omar est mort, Omar il est mort 10 ans et 6 mois après ça, après la mort de Abu Bakr radiallahu anhu, Aisha radiallahu anha voulait être enterrée également dans l'hujra, dans sa demeure, sa chambre. Wa ma'a abiha, avec son époux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son père Abdullah ibn Uthman, Abu Bakr Siddiq. ولكن عمر استأذنها لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Mais Omar lui a demandé permission à Aïcha radiallahu anha un peu avant de mourir, puisque Omar l'a été poignardé pendant salat al-fajr par un majusi. استأذنها لحبه. Il a demandé permission à Aïcha radiallahu anha d'être enterré à côté du prophète et de Abu Bakr. ولحبه لأبي بكر استأذنها أن يدفن معها فأذنت له رضي الله عنها معهما. نعم أن يدفن معهما. Il a demandé عمر à être enterré avec Abu Bakr et le prophète صلى الله عليه وسلم. فأذنت له. Elle lui a autorisé cela رضي الله عنها وآثرته على نفسها. Elle l'a fait prévaloir sur elle-même. فدفن رضي الله عنه خلف أبي بكر في الحجرة. Il a été enterré عمر derrière Abu Bakr dans الحجرة, dans l'appartement ou la chambre, donc à la gauche de Abu Bakr radiyallahu anhu. فهذه هي القبور الثلاثة. Les trois tombes. قبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي القبلة. Donc la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم en premier. ثم قبر أبي بكر. ثم قبر أبي بكر. ثم قبر عمر رضي الله عنهما في حجرة عائشة رضي الله عنها. Puis donc la tombe de Abu Bakr. Puis la tombe de Omar ibn al-Khattab dans l'appartement de Aïcha, ou la chambre de Aïcha. Wa Aïcha radiyallahu anha lamma matat dufinat fil baqi'i ma'a as-sahaba radiyallahu anhum jami'an. Donc quand Aïcha elle est morte aux alentours de l'an 60, elle a été enterrée de l'Hijra, elle a été enterrée dans le baqi'i, donc dans le cimetière qui est à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons radiyallahu anhum. Hatta Uthman, même Uthman, il est enterré dans Al-Baqi'. Fayajib al-iman bi dhalik. Donc, il faut croire fermement en cela. Lianna ma'rifata dhalik wa ma'rifata qabr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qabr sahibayhi fiha fa'idatun lil muslim li ajli an yusallima alayhima. Donc, il faut impérativement connaître cela, où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le seul prophète où on sait à la certitude où c'est qu'il est enterré. Les ulama disent tous les autres prophètes, il y a des, choses qui se disent, mais il n'y a pas de certitude sur l'endroit où ils ont été enterrés. Il dit, connaître où est enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où est enterré son, ses deux compagnons qui étaient proches de lui, il y a un profit là-dedans, le fait de leur passer le salam. Wa yazuruhum wa yusallimu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ala sahibay. Donc il les visite, il leur passe le salam, il passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons Abu Bakr et Omar. Yanala bidhalika al-ajra wa thawab. Car derrière cela, il y a récompense sur récompense, thawab az-ziyara wa salam. La récompense de la visite d'une tombe et la récompense de la salutation qui leur est passée. إذ الأوتر رحمه الله تعالى قوله فإذا أتيت القبر فالتسليم عليه ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. Donc lorsque tu viens visiter sa tombe, saluer après avoir salué le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, ceci est obligatoire. هذه الثمرة أو الحكمة من معرفة أين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر. Donc voilà le fruit qu'il y a derrière dans le fait de savoir où est enterré le prophète et où sont enterrés les deux compagnons. وثمرة ذلك أن تسلم عليهم إذا زرت المسجد النبوي وصليت فيه. Donc le fruit qu'il y a derrière cela de leur passer le salam lorsque tu visites la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu pries dedans, la prière est multipliée par mille, et quand tu pries dedans, tu leur passes une visite, tu visites le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les deux compagnons qui sont enterrés à côté. فإنك تسلم على رسول الله عليه السلام وعلى صاحبيه لتنال بذلك الثواب الزيارة. نعم. قال وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لأجل السلام عليهما والدعاء لهما والاستغفار لهما. Donc il dit la visite du prophète صلى الله عليه وسلم de ses deux compagnons pour leur passer le salam, pour invoquer en leur faveur, pour faire des demandes de pardon en leur faveur, les deux compagnons Abu Bakr et Omar. لا لأجل الغلو وطلب البركة، et non pas pour l'exagération et la demande ou la recherche de bénédiction، أو طلب قضاء الحاجات من الرسول صلى الله عليه وسلم، ou non pas non plus dans le fait d'invoquer le prophète et de demander au prophète صلى الله عليه وسلم des choses، كما يظنه الخرافيون الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، comme le pensent les خرافيون، ce sont ceux qui se basent sur des contes، الخرافة. Conte C-O-N-T-E, faire des choses qui ne tiennent pas debout, hein, qui causent du tort au messager sallallahu alayhi wa sallam. Innama huwa salam ou faqat, c'est pour passer le salam, c'est tout. Wa aydan as-salam innama huwa lil qadim min safar, sawa'an kana min ahli al-Madina ou min kharij al-Madina. Il dit également le salam, mais ça, il y a beaucoup de gens qui font le contraire. Il dit c'est pour des gens qui reviennent de voyage ou qui viennent d'un voyage, quelqu'un qui habite hors Médine ou qui habite à Médine, quand il revient d'un voyage. Il passe les salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالقادم من سفر يسلم عليهم اول ما يدخل المسجد بعد السفر. Quelqu'un qui revient de voyage ou qui vient d'un voyage, il rentre dans la mosquée, il leur passe le salam. ولا يكرر السلام عليهما كلما دخل المسجد النبوي. Il fait pas ça à chaque fois qu'il rentre dans la mosquée, il va leur rendre visite. لان الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك. Les compagnons ne faisaient pas cela. عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبر عيدا. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ne prenez pas ma tombe comme عيد, c'est-à-dire comme lieu où vous عيد. Pourquoi on appelle ça le عيد? عيد car c'est quelque chose qui se répète. Le عيد il revient chaque année. Ici ne prenez pas ma tombe comme عيد, ne prenez pas ma tombe comme lieu que vous visitez en continu, en répétition. يعني تترددون عليه لأن العبد التردد عليه. C'est pas comme le taraddud fi. Le taraddud fi, c'est l'hésitation. Tu hésites à propos de quelque chose. Comme dans le hadith, وما تردد في شيء إن أنا فاعله في البخاري, hadith Abu Huraira. أما هنا تتردد عليه. تتردد عليه, c'est-à-dire que tu vas régulièrement. لأن العبد أو لأن العيد هو ما يعتاد ويتكرر. Voilà, le cheikh il le dit ici. Il dit l'عيد, c'est quelque chose qui est habituel, constant, qui se répète, qui se renouvelle. فلا يتخذ عادة كلما دخل المسجد النبوي يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحب وعلى صاحبيه وهذا بدعة وهذا وسيلة إلى الشرك. Donc il dit faut pas prendre cette habitude à chaque fois que tu rentres dans la mosquée, tu vas passer le salam au prophète et aux deux compagnons, car ceci est une innovation et c'est un moyen qui peut ramener vers le shirk. Et tu auras désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit ne prenez pas ma tombe comme lieu où vous venez régulièrement visiter ou voir ou se recueillir, etc. Innama hadha lil qadim min safar. Ça c'est pour quelqu'un qui vient d'un voyage ou qui revient d'un voyage. Wa kana ibn Umar radiyallahu anhum idha qadima min safarin ata wa istaqbala wajha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qala. Abdullah ibn Umar, quand il revenait d'un voyage, il allait voir devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et disait wa qala assalamu alayka ya rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc vous avez compris la formulation. Thumma yata'akhkhar qalilan nahw ash-sharqi an yaminihi wa yaqul. Ensuite, il se déplaçait un peu à droite et il disait assalamu alayka ya Aba Bakr as-Siddiq wa rahmatullahi wa barakatuh. ثم يتأخر عن يمينه قليلا ويقول في se déplaçait un peu à droite, il disait assalamu alayka ya Umar ibn al-Khattab wa rahmatullahi wa barakatuh. Il disait salut assalamu alayka ya Umar, yani une salutation ou la paix sur toi ô Umar. Dans une autre version il disait ya abata, puisque Umar c'est son père, il s'adressait à son père directement. Wa rahmatullahi wa barakatuh, et miséricorde d'Allah et bénédiction sur toi. ثم ينصرف, puis il s'en allait. Ya abata. Ya abata. Yani khatab aba. Comme il disait Ibrahim alayhi salam ya abati. En Coran sourate Maryam, ya abati ya abati khatabuhu bihad. Hein? Ça c'est fi nida. Allah a'lam la règle بالضبط. Lakin fi nida yassah an taqul ya wayla ya abata. Fahmt? Non. Tukmil yani bil alif wal ha. Abdullah ibn Umar ibn Khattab. وإذا أراد أن يدعو فإنه يتنحى ويستقبل القبلة ويدعو الله. Et si tu veux invoquer, tu t'écartes, tu te tournes vers la qibla, donc tu fais un 180 degrés, tu te tournes de l'autre côté et tu invoques Allah. لا يستقبل القبر إنما يستقبل القبلة. Tu te tournes pas vers le qabr, vers la tombe, mais tu te tournes vers le qibla si tu veux effectuer des invocations. Il y a énormément de gens qui se tournent vers le qibla quand ils font leurs invocations. Hein? Non. C'est pas que t'es pas obligé, mais pareil. Ça c'est une quelque chose qui ramène vers le shirk. D'abord tu te tournes vers la tombe et tu dis non, j'invoque Allah. Un bad, tu dis finalement c'est le prophète, finalement kada. Et le shaitan il vient de cette manière là. Donc il dit tu t'écartes, car c'est pas louable d'invoquer. Il y a des hadiths qui sont inventés à ce sujet là. Celui qui invoque devant ma tombe ne sera jamais déçu, des choses comme ça. Tout ça, c'est des hadiths qui sont mensongers. Il n'y a rien qui est rapporté sur le fait d'invoquer près d'une tombe, etc. Non. Tu invoques, mais tu t'écartes. Tu t'écartes des tombes, tu t'écartes, tu te tournes vers la qibla, si tu veux invoquer, ce qui n'est pas obligatoire, mais c'est mieux, et tu invoques Allah. Non. On visite par exemple, dans le cimetière. Mm-hmm. Pas une semaine d'invoquer dans la tombe. Non, pas envers la tombe, tu peux... Pas envers la tombe, c'est-à-dire que la tombe est là, tu vois. En direction de la tombe. En direction de la tombe, voilà. C'est pas obligé de faire vers la tombe, là. Moi, non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Mais moi, ce que je sais, c'est que tu visites, tombeau, tu passes un salam général. Tu peux aller visiter une tombe spécifique en passant un salam spécifique, en invoquant en sa faveur la miséricorde, la clémence, etc. Mais le fait de faire des invocations, comme certains font... Ils vont à côté de la tombe pour faire des invocations pour lui, pour avoir des enfants pieux, pour Kadan. C'est pas l'endroit où tu fais, Yannis. C'est... Tu vois ce que je veux dire? Moi, je connais pas de sunna là-dessus. Cheikh l'Islam, il en a parlé dans Qida Salat al-Mustaqim. Et il a détaillé ça bien en détail. Ana Halien, au jour d'aujourd'hui, je connais pas une sunna comme quoi c'est bien d'aller à côté d'une tombe et d'invoquer Yannis à tort et à travers. C'est vraiment, tu visites. Hein? Non, à la base, Yannis, justement, faut pas faire ça car c'est une wasi, la karamène vers le shirk. Et on a dans Kitab al-Tawhid à la fin, Bab Hima al-Mustafa. Yani, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Hima al-Tawhid. Il a toutes les portes qui peuvent ramener vers le shirk, il les a fermées. Tu vois? Et parmi celles-ci, celle-là, le fait de se répéter à visiter. Parce qu'à la base, les gens ils vont avoir une bonne intention, ils vont dire je vais visiter le prophète, etc. Mais ça peut ramener vers l'exagération vers une tombe. L'exagération vers une tombe, elle va ramener vers le fait de commencer à faire des adorations, des choses, etc. De se tourner vers le Qibla, etc. Donc c'est comme ça que le shirk il se forme. Le shirk, quand il dit tu tournes 180 degrés, tu te mets pas la tombe du prophète, la tombe à dos, tu sors. Yannis, tu t'écartes, ahsan encore, oui. Le cheikh ici dit yatanaha. Yatanaha, ça veut dire il s'écarte, il se met à l'écart. Wa yastaqbilu al-qibla, il se tourne vers la qibla et il invoque Allah. Il parle de Sayyid ibn Omar qui faisait ça. Naam. Mais ici il dit thumma yansarif. Wa idha arada an yad'u fa innahu yatanaha wa yastaqbilu al-qibla wa yad'u Allah. La yastaqbilu al-qabra innama yastaqbilu al-qibla. Alladhi yadhhamnahu ibn Omar. En tout cas, les ulama dans la généralité, ibn Omar ou ghayruhu, ils disent yani tu veux invoquer, ne reste pas à côté de la tombe. Et ne te tourne surtout pas vers la tombe. Tu te mets à l'écart et tu invoques les invocations que tu veux faire. Soit dans le Rawda, soit hors Rawda. Non. Alors, en fait, que maintenant les tombes, elles sont dans la mosquée. Et les savants, ils ont dit quoi maintenant le fait parce que c'est interdit de prier dans une mosquée où il y a une tombe qui est dedans. Non. En fait, au moins, ils ont dit qu'elle n'est pas dedans. La demeure de Aïcha radiallahu anha, elle n'est pas dans la mosquée. Tu vois, elle est par rapport aux limites. Et ils disent les ulama, Cheikh Abdelaziz ibn Baz wa ghayruhu, rahimahumullah, que le Walid ibn Abd al-Malik, mukhti fi hada. Il n'aurait pas dû faire. Yani c'est meshbouh, justement ce qu'ils utilisent. Ahmed Khalili, Mufti Oman, min al-Ibadiyya, ce qu'il utilise, le Jeffrey, il dit ça. Ils disent, tu visites le prophète et tout ça. Huma, ils disent, t'as pas le droit de prier dans une mosquée chez les Wahhabites, comme ça il dit. Chez les Wahhabites, t'as pas le droit de prier dans une mosquée où il y a un truc. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils sont enterrés dans la mosquée. Kef yamna'oun. Il dit, c'est un masjid mouda'a fi salat. La prière, elle est multipliée par mille. Ou khair al-bariya wa zka al-bashariya, il est enterré là-bas. Tu vois, ils disent rien. Lakin, ils interdisent aux gens de prier dans une mosquée où il y a quelqu'un qui est enterré. Alors que les ulama, ils ont dit non. Le Walid ibn Abd al-Malik, il a eu tort de faire ça. Il n'a pas été forcé. Et ça, hein, il n'a pas été forcé. Je ne pense pas, non. Yani, je n'ai pas entendu comme quoi ils ont. Cheikh Abdelrazak, même, il en a parlé aussi dans certains doros. Il n'a pas cité yani, qu'il aurait été contraint ou l'a forcé. Même si je ne me trompe pas, certains ils l'ont blâmé là-dessus, déjà à son époque. Mais il n'est pas dans la. Pour répondre à la question, les ulama, ils disent. Tu trouves ça dans n'importe quel kitab de Aqida, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Ibn Baz, ou autres. Ils répondent à ça en disant qu'il n'est pas enterré dans le masjid. Tu vois? Le hukm, comme ils disent Ahl al-Ilm, le hukm, l'il-awwal. Ça veut dire quelqu'un qui. Concernant les mosquées où il y a une tombe. Est-ce qu'on fait sortir la tombe ou on détruit la mosquée? Ils disent si la tombe elle était là avant la mosquée, on détruit la mosquée. Et si la mosquée elle était là, puis ils sont venus, ils ont enterré quelqu'un dedans. Et dans ce cas-là, on fait sortir ce défunt et on l'enterre avec un. Cheikh Ibn Baz dans Majma' al-Fatawa, il a eu Risala, Kitab Nasiha, comme ils disent, Alim min ulama al-Azhar, qui a fait une wasiya. Il a dit quand je meurs, enterrez-moi dans une mosquée. Tu vois, Kitab le Cheikh, quelqu'un comme toi, il n'est pas censé ignorer comme quoi on ne prie pas dans une mosquée où il y a une tombe et que. Les gens doivent être enterrés dans les cimetières, les musulmans doivent être enterrés dans les cimetières, et ça c'est une porte qui ramène vers le shirk. Le risala mawjouda dans Majmou' al-Fatawa, dans les premiers tomes sur l'aqida et tout ça. Donc à partir de là où il y a les qabres, c'est plus compté comme la mosquée. Il y a quatre murs entre le mur al-Hadidi, tu as vu la grille en ferraille là, que tu vois, ça c'est un mur. Il y a encore trois autres murs derrière, qui rend l'accès impossible à la tombe. Qui que ce soit, il ne peut pas accéder à la tombe. Trois murs, dans certaines manates, il y a un mètre yani, d'écart entre le mur et le mur suivant, dans d'autres parce que c'est des murs qui sont en oblique. Cheikh Salah al-Sheikh, il a expliqué ça bien en détail dans Kitab Tawhid, et il a dit Talaba, il leur a dit j'ai approfondi là-dessus, car il y a yani, c'est un sujet qui demande explication. Conformément au Ibn al-Qayyim, il dit Ibn al-Qayyim à son époque, il y avait déjà trois murs. Et entre temps, ils ont rajouté le mur en ferraille. Il dit dans Nouniya, « Fa'ajaba Rabbul Alamina du'a'ahu, wa ahatahu bi thalathati al-judrani, hatta ghadat arja'uhu bi du'a'ihi, fi izzatin wa himayatin wa siyani. » Allah, il a répondu à l'invocation de son prophète. « Fa'ajaba Rabbul Alamina du'a'ahu. » Quand il a dit, « Allahumma la taja'al qabri wa thanan yu'bad. » Allah fait en sorte que ma tombe ne soit pas une idole qui est adorée. فأجاب رب العالمين دعاء وحاطه بثلاثة الجدران. À l'époque de Ibn Qayyim, il y a déjà trois murs. Il dit, Allah a répondu à l'invocation de son prophète, donc celle-là, ce hadith-là, et il l'a entouré de trois murs. حتى غدت أرجاؤه بدعائه, ce qui a engendré que suite à cette invocation, il était dans une, comment dire, عزة وحماية وصيانة. Yani il était protégé. Si tu veux, Allah il a pris soin de lui, il l'a mis à l'écart justement de que les gens puissent l'atteindre, ou car comme c'est connu dans le hadith Rawah al-Sunan, hadith Shaddad ibn Aws, que les prophètes ils sont enterrés, que leur corps ils se décomposent pas. Ça c'est khas bil anbiya, c'est spécifique aux prophètes. Donc il n'y a pas d'accès à la tombe pour faire plus que cela. Malgré ça, il y a énormément de gens qui font du shirk devant la tombe, ou dans la mosquée, ou ailleurs. Tablir aussi. Tablir, c'est-à-dire des gens, surtout ailleurs, ça c'est connu, mais je veux dire dedans, il y a des gens qui vont le visiter, tout ça, il y en a beaucoup qui font du cirque devant la tombe. Devant la tombe, ils l'invoquent, ils lui demandent. Il y a des fausses invocations sur le prophète pour aller à Médine. Non. Il dit à ces gens, ses disciples, de les dire, des invocations, des formulations. Oui, formulations. Le Kouli Halbab, Hada Ma'rouf. Et vous trouvez ça dans Kitab Tawhid à la fin, concernant le fait justement de fermer les portes qui ramènent vers le. Et dans les derniers chapitres, et vous trouvez un chapitre sur justement ça avec le hadith de Aisha et de Umm Habiba dans Sahihain, hadith qu'on a vu avant. Qu'elle lui a invoqué Annie ce que faisaient les chrétiens, etc. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oula iki shirar ul khalq indallah. Yani quand quelqu'un parmi eux il mourait, il construisait un lieu de culte sur sa tombe. Ce sont les pires créatures auprès d'Allah, etc. Passage suivant, il dit, قال المؤلف رحمة الله عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. Et ordonner le convenable et interdire le blâmable est obligatoire, sauf si tu crains son épée ou ses coups. الشرح قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, le hadith il est à la fin des 40 Nawawi, le hadith Abi Sa'id Rawah Muslim, celui qui voit une turpitude, qu'il la change avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, et s'il ne peut pas avec son cœur. وهذا كما جاء بالقرآن. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Il dit, ça c'est conforme à plusieurs versets dans le Coran. Allah il dit, surat 3 verset numéro 110, le sens: vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. وكما في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dans un autre verset 104 de la même sourate, que soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce sont eux qui réussiront. وقال تعالى وكما في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Sourate 9 verset 71. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. بخلاف المنافقين والمنافقات فإنهم بالعكس يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف نسأل الله العافية. Contrairement aux hypocrites, hommes et femmes, qui font le contraire, qui ordonnent le mauvais, yani la turpitude, et qui interdisent ou s'enjoignent quant au fait d'apposer des restrictions quant aux bonnes choses. قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable et replient leurs mains. D'avarice, surat 9, verset numéro 67. ils replient leurs mains, yani, yani sadaqa wal infaq fi sabilillah. C'est-à-dire, replient leurs mains, ils ne donnent pas, ils ne dépensent pas dans le sentier d'Allah. La yabsutuna aydiyahum fi nafaqati wa badli al ma'ruf. Ne dépensent pas dans le sentier d'Allah avec largesse, li'annahum la yu'minuna billah, car ils ne croient pas en Allah, wa li'anna al mala uhibbu ilayhi min kulli shay, car ils aiment l'argent plus que toute autre chose. Khilaf al mu'minin wal mu'minat fa innahum yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata, contrairement aux croyants et croyantes qui accomplissent la prière et donnent la zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, ils obéissent à Allah et au messager. Ma'a amrihim bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar, tout en ordonnant le bien et interdisant le mal. Wa hadha li ajli iqamati ad-din wa tathhir al-mujtama' min al-fasad. Et ça, c'est pour concrétiser la religion et purifier la société de al-fasad, de la corruption et du mal. Wa la yakfi an yaqula al-insan laysa 'alayya illa nafsi yuslihu yaslahu fi nafsihi wa yatruku al-akharin. Et donc il dit, ça ne suffit pas que la personne dise, yani je m'occupe de moi-même, je m'occupe de moi-même et je me limite à cela. Il délaisse les autres. Bal 'alayhi an yusliha al-akharin ma istata'a. Mais tu dois réformer les autres selon tes capacités. Li anna hadha min an-nasiha wa min iradati al-khayr lin-nas. Ça fait partie du conseil et le fait de vouloir le bien aux autres. Fa kaunuka ta'muru akhaka bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar hadha amrun wajibun 'alayk. Le fait que tu ordonnes à ton frère le bien et tu lui interdises le mal, ça c'est quelque chose d'obligatoire à ton égard. Wa min haqqihi 'alayka aydan. Ça fait partie des droits qu'il a sur toi. An ta'murahu bil ma'ruf idha ra'aita 'alayhi taqsiran fi at-ta'a. Quand tu le vois, il est pas à la hauteur à propos de quelque chose, tu lui recommandes le bien, tu lui recommandes l'obéissance, tu l'exhortes. Wa tanhahu 'anil munkar idha ra'aita 'alayhi khata'an yaqa'u fihi. Et si tu le vois tomber dans une turpitude, etc., tu le conseilles à ce sujet. Wa la tatrukhu yahliku wa anta taqdiru 'ala tanbihihi. Ne le laisse pas vouer à la perdition alors que tu es capable de attirer son attention à ce sujet. Wa laysa kama yaqulu ahlu an-nifaq wa ahlu ash-sharr ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في امور الناس. Et ce n'est pas comme le disent les gens qui sont dotés d'hypocrisie ou de mal, disant que ordonner le bien, interdire le mal, ça revient en fait de se mêler des affaires des autres. او وصاية على الناس. وصاية عرفت الكلمة هذه, je sais pas c'est quoi wusay al nas, yani c'est à peu près le même sens que tadakhul, mais je vais regarder inchallah, je vous dirai la semaine prochaine. كما يقولونه الان في الصحف وغيرها, comme vous trouvez ça dans des journaux, صحف yani journaux, des magazines, dans des écrits et autres. هذا كلام اهل النفاق واهل الباطل, c'est les paroles des gens qui sont dotés d'hypocrisie et de tort. اما اهل الايمان فيرون ان هذا من النصيحه لاخوانهم ومن اخراجهم من الضرر الى النفع ومن الظلمات الى النور. Par contre, les gens de la droiture de l'Iman considèrent cela comme étant un conseil en faveur de leurs frères et le fait de les faire sortir du tort vers le bien, des dhulumats, des ténèbres vers la lumière. Comme a dit Ta'ala, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ils se recommandent mutuellement la vérité, ils se recommandent mutuellement la patience. Sourate 103, verset numéro 3. وقال لقمان عليه السلام يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Comme a dit Luqman عليه السلام, sourate 31 verset numéro 17. Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdit le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. هذه الآية مثل سورة العصر تماما. Ce verset-là, il est comme la surat Al-Asr. Surat Al-Asr, le dernier verset, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement à la vérité, s'enjoignent mutuellement à la patience. S'enjoignent, c'est-à-dire s'entre-conseillent, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر إذا ناله شيء في سبيل الله. Tu ordonnes le bien, tu interdis le mal, et tu patientes s'il y a un tort quelconque qui te touche. لأنه في سبيل الله وما يناله muhtasabun lahu 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça c'est dans le sentier d'Allah, et ce qui te touche comme mal, etc., c'est dans le sentier d'Allah et tu es récompensé pour cela. Wa ma'lumun anna kathira min an-nas yathqulu 'alayhim ahlul amri bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar wa yanalunahum bil kalam 'alayhim wal ghiba wan namima wa sabbihim wa shatmihim wa shatmihim fayasbiruna 'ala dhalik li'annahum fi sabilillah wa fi ta'atillah wa fi inqadhi ikhwanihim. Donc il est connu que beaucoup de gens يَتْقُلُ عَلَيْهِمْ الْأَمْرُ أَهْلُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ. Yani, ça leur est difficile de patienter justement sur les gens qui leur ordonnent le bien et leur interdisent le mal. Donc ils se mettent à parler sur eux, ou à faire de la médisance, ou à faire de la colportation, ou à les insulter, etc. Et eux, ils patientent sur ces méfaits, sur ces torts. Car ils font ça dans le sentier d'Allah, en obéissance à Allah, voulant sauver leurs frères. لَيْسَ مِنَ النَّصِيحَةِ أَنْ تَتْرُكَ إِخْوَانَكَ على التقصير في العبادة والخلل في أمر المنكر. Donc il dit, ça ne fait pas partie du conseil envers tes frères, le fait de les laisser amoindris dans les adorations, amoindris à propos des turpitudes dans lesquelles ils tombent. وأنت تقدر على نصيحتهم وتنبيههم وتوجيههم. Alors que tu es capable de les conseiller, de les orienter. هذا من التقصير في حقهم. Ça, c'est un amoindrissement à leur sujet. Alors, c'est un droit qu'ils ont sur toi. Tu leur veux du bien. Tu leur veux l'issue de sauvetage. Hadith aussi dans les 40 Nawawi. Hadith de Anas fi Sahihain. Faïda kunta, l'un d'entre vous ne croira pas réellement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. فإذا كنت تحب لنفسك الخير وتحب النجاة فليكن أيضا أخوك مثل نفسك في هذا. Donc il dit, si tu veux pour toi-même le bien, tu veux pour toi-même l'issue de sauvetage, donc que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour ta propre personne. أنت تأمره وتنصحه لكن بالطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. Toi, tu le ordonnes, tu le conseilles, tu l'orientes conformément à la voie prophétique. في الحديث, في هذا الحديث, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans ce hadith-là, hadith Abi Sa'id, في مسلم, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. Celui qui voit une turpitude, qu'il la change avec sa main. إن كان يستطيع أن يغيره بيده. Si bien sûr, il peut la changer avec sa main. كولي الأمر أو من فوضه ولي الأمر لإنكار باليد كرجال الحسبة فإنه يغيره بيده ويزيل المنكر بيده. Donc il dit, celui qui a de l'autorité, tel que le gouvernant, ou ceux qui ont été désignés par le gouvernant, ou رجال الحسبة, c'est comme on va dire la police, ceux qui ont de l'autorité, donc ceux-là peuvent changer les turpitudes avec leurs mains. Avec leurs mains. كذلك ça, ou كذلك, avec leurs mains, ils agissent directement. كذلك صاحب البيت له اليد على من في بيته يغير المنكر بيده في داخل بيته. Quelqu'un qui a de l'autorité chez lui à la maison, le père par exemple, il peut agir de la sorte chez lui. لأنه راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. Car il est le berger dans chez lui et il est responsable de son troupeau, comme dans le hadith d'Ibn Umar le Sahihain, Bukhari Muslim, il a dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, chacun de vous il est berger, chacun de vous il est responsable de son troupeau. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara. Donc ya ayyuhalladhina, ou vous qui avez cru, qu anfusakum, protégez vos propres personnes ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Tahrim, surat 66, verset numéro 6. Fa anta mukallafun bi ahli baytik. Donc ceux qui sont chez toi, qui sont sous ta tutelle, ils sont sous ta responsabilité. Amma idha lam yakun laka yadun wa laysa laka sultatun 'amma wala khassa fa innaka tunkiru bil lisan. Par contre, tu n'as pas d'autorité, ni d'autorité générale, ni d'autorité plus spécifique, c'est-à-dire ni tes gouvernants, responsables d'une ville ou etc., ni tu as de l'autorité, par exemple, c'est quelque chose qui se passe chez toi. Donc dans ce cas-là, tu réprouves et tu blâmes avec ta langue. Bien tu bayyina anna hadha haram. Tu clarifies avec les arguments que tu as que ceci est interdit. Wa anna hadhihi ma'siyah. Ceci est un péché. Wa hadha la yajuz. Tu bayyinu bil maw'idha, bil khutab, bi ad-dars, bi an-nasihati sirriya baynaka wa bayna akhik. Tu clarifies, tu enseignes, tu exhortes, tu montres, tu conseilles en secret entre toi et le concerné. تبين له وأيضا تبلغ عنه إذا لم تجد النصيحة ولم يجد الكلام معه فإنك تبلغ من يقدر على إزالة المنكر بيده. Donc il dit si tu transmets à son sujet, c'est-à-dire que tu transmets aux personnes qui sont capables d'agir avec la main. Toi tu peux agir que avec la langue. Si ton conseil إذا لم تجد من الجدوى. الجدوى c'est des résultats satisfaisants. C'est-à-dire que si le conseil ne donne pas de résultats satisfaisants, tu conseilles, il n'y a rien, tu transmets aux personnes qui peuvent agir pour changer cette turpitude. Tubelliru rijal al-hisba, tubelliru al-hayat. Transmets aux gens qui ont de l'autorité. Tubelliru wali al-amr, hada min al-inkar bil-lisan. Tu préviens les autorités, ça fait partie de la réprimande avec la langue. فإذا لم تقدر على الإنكار باللسان كأن تمنع من ذلك فإنك كأن تمنع من ذلك فإنك تنكر بقلبك. Si même tu peux pas blâmer avec ta langue, comme le fait par exemple qu'on t'empêche de parler sur telle ou telle chose, donc dans ce cas-là tu blâmes avec ton cœur. ولا تقر المنكر بحال. Il faut pas que tu approuves une turpitude dans quel que soit le cas. Car si tu ne peux pas gérer avec tes membres et tu ne peux pas gérer avec ta langue, les créatures ne peuvent pas voir ce qu'il y a dans ton cœur. Tu t'écartes. Tu quittes ces endroits-là où il y a des turpitudes. Et donc, il dit, tu t'éloignes des gens qui font de la turpitude et tu ne restes pas avec eux afin que tu sois épargné. Tu épargnes ta propre personne. هذه هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Voilà les différents degrés dans le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal. وهذا كما في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Ceci est conforme au verset où Allah dit dans le Coran, sourate Taghabun, sourate 64, verset numéro 16, craignez Allah autant que vous le pouvez ou comme vous le pouvez. وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah n'impose à aucune âme une charge plus lourde que ce qu'elle peut, que la capacité qu'elle a. Surat 2, verset 286, Baqara, le dernier verset. فَإِذَا عَمِلْتَ بِهَذِهِ الْخَطَوَ الْخُطُوَاتِ فَقَدْ أَنْكَرْتَ الْمُنْكَرَ وَقَدْ سَلِمْتَ. Donc, si tu agis et tu suis ces pas-là, ces différentes étapes, tu auras blâmé le blâmable et tu seras épargné. أَمَّا إِذَا لَمْ تُنْكِرِ الْمُنْكَرِ لَا بِالْيَدِ وَلَا بِاللِّسَانِ وَلَا بِالْقَلْبِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْإِيمَانِ. Si jamais tu ne blâmes ni avec tes membres, ni avec ta langue, ni avec ton cœur, cela montre l'absence de l'iman. Comme fi qawlihi ta'ala sallallahu alayhi wa sallam, wa laysa wara'a dhalika min al-iman habatu khardalin. Il n'y a pas derrière cela, ne serait-ce que le poids d'un atome de iman. Falladhi la yunkiru habatu khardalin, il dit c'est un grain de moutarde. Il y a quelque chose de vraiment petit. Falladhi la yunkiru al-munkara bi qalbihi ليس عنده إيمان أصلا فلا بد من إنكار المنكر فامبراتيفمون بلامي لو بلامابل لكن بهذا النظام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مي سلو لي ريكومونداسيون بروفيتيك كنا دون سو حديث لا ولا يحتج أحد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم et que personne n'utilise le verset suivant en tant que contre-argument. Surat Al-Ma'ida, surat 5, verset 105. Le sens, ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. يظن بعض الناس أن هذه الآية تدل على أن إنكار المنكر ليس بلازم. Certains pensent, à travers ce verset-là, que blâmer le blâmable n'est pas لازم. ايش معنى لازم؟ نيبو اوبليغاتوار. وان الانسان اذا صلح في نفسه فما عليه من الاخرين. Que quelqu'un, si jamais il est bien, il est droit et tout ça, il n'a pas besoin de s'occuper des autres. ولا ينكر المنكر ولا يأمر بمعروف هذا خلاف الكتاب والسنة. Comme quoi, il ne blâme pas le blâmable, n'ordonne pas le bien. Ceci est contraire au Coran et à la Sunna. والآية الكريمة لا تعني هذا. Ce verset-là n'est pas à prendre dans ce sens. كما بين ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عنها. كما كلغفي أبو بكر رضي الله عنه. Quand il a été interrogé à propos de ce verset, قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلا والله لا تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا. فمعنى الآية أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يعمل بقولك فعليك بنفسك. Donc il dit, Abu Bakr radiallahu anhu a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, j'ai interrogé le messager sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce verset-là. Il a dit non, kalla wallah, non. Vous devez ordonner le bien, vous devez interdire le mal, et vous devez prendre par la main le faible d'esprit, et vous devez le forcer à suivre la vérité. Ta'turunnahu ala al-haqqi atra, wa la taqsurunnahu ala al-haqqi قصرا. هذا المقطع شباني كيسك سابدير. فقال فمعنى الآية أنك إذا أمرت بالمعروف. الشيخ يدي en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que le sens du verset c'est que quand tu ordonnes le bien et que tu interdis le blâmable et qu'on n'écoute pas ta parole, donc dans ce cas là occupe-toi de ta propre personne. ولا تقول أنا مثل الناس أو هذا شيء عليه الناس بل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. Faut pas que tu dises je suis comme les gens, ou bien c'est ce sur quoi sont les gens. Tu dois ordonner le bien, interdire le mal. فَإِذَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْكَ فَلَا تَتَنَازَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ دِينِكَ. Si on n'accepte pas tes recommandations, ne fléchis pas en te laissant aller à propos de ta religion. وَتُجَامِلَ النَّاسِ وَتَمْشِي مَعَهُمْ. Et tu dis, المُجَامَلَ, tu dis, يعني ma fiche, c'est pas grave, يعني c'est pas si grave que ça, s'ils n'écoutent pas, etc. Et tu te mets à les accompagner, etc. قوله إلا من خفت سيفه وعصاه. يعني tu dois ordonner le bien et interdire le mal sauf celui dont tu crains l'épée ou يعني son autorité, le sens. هكا ترجمها les coups. إذا خفت إذا أنكرت أن تقتل وأن تضرب فإنك تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي البيان باللسان. Si tu crains de blâmer avec tes membres et que tu sois exécuté ou bien frappé, donc dans ce cas-là, tu passes à la deuxième étape qui est le blâme avec la langue. In idha khifta min al-bayan bil-lisan tantaqilu ila al-martabati al-thalitha. Si tu crains également que si jamais tu utilises ta langue, eh bien on va également te tuer ou bien comme il a dit avant, wa hadhihi la ahada yamna'uka minha. Tu passes à la troisième étape qui est le cœur, et celle-ci personne ne peut t'empêcher de blâmer avec ton cœur. لا أحد يمنع من الإنكار بالقلوب لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. Personne ne va t'empêcher de blâmer avec ton cœur car ne connaît ce qui est le contenu des cœurs que Allah seul. Non. Maintenant je vois un musulman ou un kafir dans le magasin volé. Je fais quoi? Je le conseille. Si je le conseille, il veut pas, il continue. Je le balance ou. On m'a dit, tu veux l'Iran, oui. Ouais. Si jamais ça donne pas de d'effet positif, tu veux l'Iran. Tu dis à une telle personne. Hein? Que ce soit un kafir ou musulman. Pareil. Kafir ou la musulmane. Donc ici, ce qui est problématique, c'est par rapport à la charia. Ils ne vont pas appliquer la charia par rapport à ça. Ça reste équivoque quand même. Mais à la base, le minimum au moins, c'est de lui ordonner le bien, interdire le mal. Et les ulama, ils disent, ça c'est un sujet où on est faible là-dedans. Parce que les ulama, ils disent, il y a combien de gens que quand ils leur ordonnent le bien, interdisent le mal, ils se remettent yani, en question. Et Cheikh Ibn Uthaymin, dans Kitab al-Ilm, il ramène un récit de quelqu'un, de Ahl al-Hisba. C'est comme une genre de police comme ça qu'ils ont, qui a parlé avec quelqu'un qui se baladait à l'heure du Maghreb. Il allait emmener ses bêtes au pâturage et tout ça. Et il est venu, il lui a parlé d'une manière rude. Et cette personne-là, elle s'est rebellée. Elle lui a dit, dans le sens, je ne vais pas faire la prière, ou l'asa liman asa. Tu vois? Et l'autre, il lui a dit, l'asa liman asa, si tu n'obéis pas, on va te frapper. L'asa, frapper, liman asa, pour celui qui désobéit. Si tu ne fais pas, tu vas pas faire la prière, etc. L'autre, il s'est rebellé. Il a dit, le lendemain, quelqu'un d'autre est allé, il lui a parlé d'une manière posée. La personne, elle allait faire la prière avec... Il a dit, il y a des bonnes paroles et tout ça. Et la personne, elle s'est soumise au conseil. Donc, ce point-là, qui est ordonner le bien, interdire le mal, il y a des ulama qui disent que c'est, si tu penses que ton conseil ne va pas faire effet, tu n'es pas obligé de conseiller. Ils ont utilisé le verset, وَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَ فَذَكِّرْ وَلَا وَذَكِّرْ فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَ Dans le surat 87, l'Ala, verset numéro 9, rappelle-toi, rappelle, donc où le rappel doit être utile. Fadakir in nafa'ati dhikra. Si le rappel il est profitable, tu fais le rappel. Et ils ont dit que certains sahaba, ils étaient chez certains hukam, certains gouvernants, et il y avait des turpitudes qui se faisaient, et ils ne blâmaient pas, car ils étaient pratiquement sûrs que ça n'allait rien changer. Mais, nombre de savants, ils disent que, Cheikh Salah al-Cheikh cite ça dans Arba'in Nawawiya et il ramène la deuxième parole qui dit que toi tu dis ce que tu as à dire et après ils font pas, c'est plus ton problème. Comme Cheikh il a dit Al-Fawzan dans le verset d'avant, une fois que tu as transmis, tu as conseillé, etc., et que eux ils prennent pas en considération, occupe-toi de ta propre personne. Tu dénonces quand même, non? Hein? Je dénonce ou pas? Ah, sur la dénonciation. Je t'ai dit par rapport au fait qu'on n'applique pas la charia dans ce type de pays-là, c'est équivoque. Mais à la base, tu conseilles, après tu es là pour comment dire, mettre fin aux gens qui causent la corruption sur Terre et qui causent le mal, etc. Je vais en face de mon frère, quelqu'un qui le vole, tu vois. Et surtout, surtout si c'est un musulman, c'est encore pire, Yanni. Eh. Le kafir, s'il applique pas l'islam, il se soumet pas à l'islam, etc., qui fasse le bien ou qui fasse le mal, dans le sens le kafir dit salahu hasanat yawm al-qiyamah, les bons actes qu'il fait, Allah il le rétribue directement ici sur terre, tu vois. Yani le kuffar la khalaqa lahum fil akhirah, ils n'auront aucune part, pas de nasib, pas de part dans l'au-delà pour les kuffars. Mais ordonner le bien et interdire le mal, c'est un droit de min haqq al-muslim al-muslim, dans les droits du musulman sur le musulman. Dans certaines riwayats, tu as quand il te demande conseil, c'est que tu lui donnes conseil. Cheikh Al-Albani dit, rahimahullah, il dit ce n'est pas limité au fait que quand il te demande conseil, mais quand il te demande conseil, ça se confirme. Il vient et te demande conseil, ça se confirme vraiment que tu l'orientes selon ce que tu peux l'orienter. Mais sinon, ordonner le bien, interdire le mal, c'est un des droits que les musulmans ils ont les uns sur les autres. Et comme dans le verset qu'on a vu dans Tawba, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتَ أَوْلِيَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَ أُبَعْضُ. Les uns, ils sont alliés des autres. Les uns, ils s'entre-conseillent les autres. Cheikh Salah al-Cheikh, dans Thalat Usul, dans justement, quand il parle de Martaba Thalita, Da'wa, il dit une fois que tu as su, وَأَمَنْت, tu as appris, que tu t'es instruit, et que tu as appliqué, tu ne peux pas te limiter à ça. Tu es obligé, Yannick, de propager ce bien-là, et de vouloir le répandre sur les autres, Yannick. Le cas alors par rapport à Raslan, s'il voit une personne qui vole, et c'est un calcul, il n'a pas besoin de le calcul, pas. Il n'y a pas que le bien pour lui, il y a le bien aussi pour la communauté. Si tu laisses le char comme ça se répandre, tu vois, si la turpitude Yannick, se répand, il y a des gens qui vont appliquer la charia comme dans les paroles de Uthman, radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan, il a dit, Inna Allah la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah il va faire appliquer sa charia à travers le gouvernant, des choses qu'il ne fera pas appliquer à travers ses textes. Yani quelqu'un, tu lui dis, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. Le voleur et la voleuse, tu coupes la main et tout ça. Il va dire, ouais, ma fille, il va voler. Mais il va entendre que celui qui vole, il risque un an de prison. Il va, par crainte des autorités et tout ça, il ne va pas le faire. Donc finalement, les paroles de Uthman, c'est quoi le sens? La sharia d'Allah, elle va être appliquée. Le vol ne va pas être effectué, mais pas par crainte des textes, mais par crainte des autorités. C'est pour ça que le sultan, il a, comment dire, les autorités, même si fait une façade et tout ça, sont corrompues et tout ça, elles laissent quand même une certaine... comment on dit l'âme? Une sécurité, une certaine... Les gens, ils ont une certaine... ils vivent en sécurité. Ibn al-Mubarak, il a dit, s'il n'y avait pas des dirigeants, ce serait le plus fort, il mange le plus faible. Tu vois? Donc il y a le fait de conseiller ton frère pour lui réformer son état, et au fait, le fait de couper la corruption et le tort qui est causé sur la terre. Wallahu a'lam. Bien sûr. Mm-hmm. Là, là. Chef, le maratib, il faut les respecter. Soit avec les membres. Si tu peux pas avec la langue, si tu peux pas avec le cœur. Cheikh Mohamed Ben Hadi, ce matin, le dars, il a dit Khan fi Jazan, au sud, là où il y a son père, Mohamed Ben Hadi Matrali. Il a dit je suis allé acheter de la marchandise chez quelqu'un. J'allais acheter de la marchandise chez quelqu'un, quelque chose à manger ou là. Et le cheikh il a dit طلبت منه ان يؤكد لي بان البضاعه ليست مغشوشه, peut-être c'est du miel ou là. Il lui a dit ta marchandise elle est sûre, elle est pas là. Si c'est du miel par exemple, c'est pas des, tu dis c'est hur, c'est le hur. Il a dit fa halafa li, la personne elle lui a juré que la marchandise elle, il lui a dit j'ai pas demandé de jurer, lakin il a fait quoi, il a juré par le prophète fa halafa li bin nabi sallallahu alayhi wa sallam an al bidaa'a ghayr marshusha. Le cheikh il a dit fa akhadtu ad'u 10 minutes, 15 minutes, il lui parle que hada shirk, ce que tu viens de dire, c'est une parole de polythéisme. Ça peut être polythéisme mineur ou, mineur ou majeur. Il l'a exhorté. Bad, il lui a dit, l'autre, il lui a dit, je te promets, je ne ferai plus ça. Le cheikh, il lui a dit, tu vas le refaire. Car tu t'es habitué, des années, quand tu jures par autre qu'Allah, tu vas le refaire. Mais si tu tombes dans ça, voilà comment tu dois te corriger, le kafara. Et celui qui jure par autre qu'Allah, comment il corrige cette chose-là? Il refait son repentir, il essaye de plus revenir sur cette chose-là. Le cheikh il dit, je suis venu pour lui acheter pour 25 à 30 riels, je lui ai acheté pour 300 riels. Il a dit, j'ai fait ça pour lui faire rentrer le farah et le surur. En même temps, il a profité du domaine religieux. En même temps, il se rappellera de cet événement. Et en même temps, il lui montre que c'est pas parce que tu as fait ça, Yannick, que je te considère comme non-musulman ou ceci, cela. Tu vois? Et en même temps, ça... ça va lui laisser Yanni des traces. Il va toujours se rappeler de cette chose-là. Donc, il dit, Yanni, il parlait de quoi? Il parlait de da'wa. Et il a mis l'accent sur le fait que c'est étrange de quelqu'un dans Bilad al-Tawhid, le pays de l'unicité. C'est connu que ça, c'est du shirk et tout ça. Et il tombe dans cette chose-là. Mais, si tu peux réprouver avec la main, tu fais avec la main, sinon avec la langue, sinon avec le cœur. Cheikh Salah al-Cheikh, il dit, sauf si quelqu'un, sans utiliser ta main, tu utilises ta langue, il va appliquer ton ordre. Maintenant, quelqu'un, il est ta famille, ou un père dans sa maison, et c'est pas la peine qu'il utilise, on va dire, la main, s'il exhorte son fils, ou il exhorte son épouse, ou bien ses enfants, ou n'importe. Il lui parle bien, la personne, elle va appliquer. Il dit, dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire qu'il utilise la main. Mais quand on parle de la main, c'est-à-dire taper? Non, pas obligatoirement. Non, mais Nabi pour la famille, par exemple. Il a pris khatam min sahabi. Il a pris khatam et il l'a lancé au sol. Hein? Il a dit, Aya'amadu ahadukum ila jamrati min an-nar fayada'uha fi yadihi. Est-ce que l'un d'entre vous, il va prendre une braise de feu, il va la mettre dans sa main? Un saraf, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti. واحد il lui a dit ramasse ta khatam wantafi bihi, prends ta bague et vends-la, fais quelque chose avec. Il a dit lam akun ya'khudhahu wa qad tarahahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala al-ard. Il a dit jamais je le récupérerai, alors que le prophète il l'a pris et il l'a tarah, c'est une certaine violence, et il l'a violemment jeté au sol, il l'a laissé. Lakin al-asl, la base, c'est que quelqu'un à qui tu ordonnes, avec la langue, il applique qu'est-ce que tu lui ordonnes, tu n'utilises pas ta main. C'est pas obligé de frapper. Modifier. Moi, tu agis. Tu, je sais pas moi, sauver des photos, tu les enlèves, tu les déchires, etc. Je vais tout de suite te dire. C'est une forme d'agrément. Hein? C'est une forme d'agrément et tu rentres après dans ce qu'il a déchiré avant, c'est le mujamala. Tu commences à dire, tu te tais sur ça, tu te tais sur ça, tu te tais sur ça. Après, tous les moumayyah. Tu vois n'importe quoi, tu te tais, tu te tais, tu te tais. C'est un peu comme si toi-même tu laisses une parole. Maintenant, Cheikh Salah Cheikh fait da'wa, ça me vient en tête. Il dit, tu vas chez quelqu'un, tu trouves plein de munkarat. Il a une télé, il fume la cigarette, il fait ça, ça, ça, ça, ça, ça. Il dit, tu te tais. Yajouz, bichart. C'est que tu t'occupes de quelque chose qui est plus grave. Mais il dit, tu vas chez quelqu'un, il fait du shirk majeur. Et tu te tais, c'est interdit, dans quel que soit le cas. Car il n'y a aucun intérêt qui est plus grave, il n'y a aucun intérêt qui prime sur ça. Tu vois? Si tu commences pas par réprimander ça, et tu vas lui parler de la barbe, tu vas lui parler de je sais pas quoi, ton prêche, il est faux. Tu vois? Il faut agir d'une manière sage, et en même temps, il faut corriger les choses étape par étape. Il faut commencer par le plus grave, et doucement, doucement, tu vas corriger. T'as donné Mufti Hanaya ou là? Regarde, je sais pas si tu vois dans l'Alsace. Hein? Dans l'Alsace. Hein? À la fin, c'est bon, il y a l'horoscope. Le fait que tu l'arraches, c'est chaque fois que tu poses ton endroit, tu sais qu'il est dans l'Alsace. Et toi, tu l'arraches, tu vois. Mais en discret, tu vois, personne ne le voit pour pas qu'il. Tu vois, et tu l'arraches et tu le jettes. Est-ce que c'est conseillé ou t'évites? Un journal qui t'appartient à toi? Non, qui appartient à un commerçant et tout ça. Allah, voilà. À la base, dans les trucs où tu n'as pas d'autorité, tu n'agis pas. Car ça peut ouvrir une porte où toi tu fais ça et eux ils vont faire ça avec le Coran. Tu vois? Koufar vont faire ça avec le Coran. Non, c'est un musulman, par exemple. C'est un musulman. Ouais. Allah, voilà. Franchement, je sais pas. Il demande au gérant. Il lui explique alors. Voilà, il demande au gérant. Il n'y a plus de discussion, il n'y a pas de problème. Au contraire, si tu peux. Corriger la chose à la racine, le problème à la racine. Et tu expliques ça aux musulmans et peut-être qu'il n'avait pas fait attention à ça. Et que lui, à chaque fois qu'il a le journal, il va justement l'enlever. Alhamdoulilah, tu auras fait le truc et à chaque fois qu'il le fait, tu auras des hasanats. Mm-hmm. Plutôt que de le faire parfois de cette manière. Une dernière chose pour rapport aux, tu vois, les maillots de foot et tout ça. Mm. Souvent, tu vois, les équipes de foot, ils ont des croix dessus. Ils ont une croix, tu vois, sur leur maillot. Et le fait de dire chaque fois à une personne, un musulman généralement, tu vois, tu lui dis, ouais. C'est pas bien le fait que tu aies une croix comme ça, tu penses quelque chose de religieux, mais ils mettent ça religieusement. Mmh. Est-ce que tu as le rôle de le dire chaque fois que tu vois ça sur un musulman? Est-ce que tu as le rôle de le dire ou... Ça rend dans ordonner le bien, interdire le mal. À savoir qu'ordonner le bien, interdire le mal, il y a des maratib, il y a des degrés. Tu ordonnes un bien pour que tu fais disparaître un mal. Ça, c'est obligatoire. Tu ordonnes un bien et tu améliores l'état. Ça, c'est aussi obligatoire. Peut-être le munkar il va pas s'enlever complètement, mais il va s'enlever en partie. C'est obligatoire. Tu ordonnes le bien ou tu interdis un mal, et il se peut qu'il y ait un munkar qui est équivalent à celui-là. Tu vois? Ça, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit mahal ijtihad. Ça, c'est la personne qui va ordonner le bien ou interdire le mal, qui va mesurer cette chose-là. Car il va enlever un munkar et il y a un munkar équivalent qui va se mettre. Et il dit tu ordonnes le bien ou interdis un mal, mais il va y avoir quelque chose de plus grave. Quelqu'un il regardait la télé par exemple, et il va se mettre à faire un péché qui est plus grave que ça. S'il regarde pas la télé, il va se mettre à faire quelque chose de plus grave. Dans ce cas-là, il est interdit d'ordonner le bien ou d'interdire le mal. Et c'est les ulama ils utilisent les paroles d'Ibn Taymiyyah rahimahullah pendant la guerre avec les Tatars, où il est passé devant des gens, et il y en a qui ont réprouvé le mal. Ils étaient en train de boire de l'alcool. Ibn Taymiyyah leur a dit taisez-vous, laissez-les boire de l'alcool. Ils ont dit Hada munkar, c'est une turpitude. Il a dit si jamais ils ne boivent pas l'alcool, ils seront en train de faire le djihad contre vos frères. Ils seront en train de tuer les frères, vos frères musulmans et les femmes, etc. Donc laissez-les dans leur. Ils étaient en train de jouer, je crois aussi, à des jeux de hasard, et ils buvaient de l'alcool. Ils sont dans leur lahou, dans leur occupation, etc. Laissez-les dans cet état-là. Donc il y a des shorot pour ordonner le bien, interdire le mal. Et le premier shart, ça c'est Maratib al-Arba'a du Cheikh Al-Uthaymin les a cités dans Majmou' al-Fatawa. Et le premier shart, la première condition, c'est l'ilm. Tu vas pas toi réprouver quelque chose et après tu te retrouves bloqué. Personne ne te dit, ouais, mais montre-moi, prouve-moi que c'est un munkar. toi t'arrives pas à prouver que c'est une turpitude, t'arrives pas à montrer que c'est un, c'est une débauche, dans ce cas là tu te tais. Si tu peux pas y en améliorer l'état des choses, tu te tais. Comme Allah, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Il y a des écrits là-dessus sur ordonner le bien, interdire le mal. Vous pouvez retourner à ça pour avoir plus des détails. Donc l'ordre, bien sûr, c'est main, langue et cœur, c'est ça ? Main, puis langue, puis cœur. هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين